marche seul dans la rue. Vois une fille presque dévêtue. Hey, hey, hey. Qu'est-ce qu'elle peut tourner du cul? Oh là là. Et puis d'un coup elle disparut. Oh, oh, oh. Voudrais bien l'aborder. Deux jeunes filles bien maquillées. Hey, hey, hey, hey. Comment faire pour l'en rencontrer? Oh là là. S'il pouvait la caresser. Oh, oh, oh. Marche seul dans la rue. Elle aperçoit ce mec barbu. Hey, hey, hey. La tête bronzée et chevelue. Oh là là. Il porte au pied des godasses pointues. Oh, oh, me plaît bien ce farfelu. Fait tourner son petit cul. Hey, hey, hey. Il a un torse tout velu. Oh là là. Et des jambes tout poilues. Le mari, et aussi une belle poitrine. Hey, hey, hey. Je vous assure, elle est très coquine. Oh là là, je la voudrais comme copine. Oh, oh, oh. Porte un blue jean rapiécé. Et aussi une chemise délavée. Hey, hey, hey. Pourvu qu'il ne soit pas marié. Oh là là. Car j'aimerais bien me le taper. Je viens juste me réveiller. J'ai passé une nuit mouvementée. Oh, hey, hey. Je n'ai pas arrêté d'halluciner. Oh là là. De la fille dont j'ai rêvé. Je viens juste me réveiller. J'ai passé une nuit mouvementée. Hey, hey, hey. Je n'ai pas arrêté d'halluciner.